je suis discret et gentil. Je marche sur les œufs, je fais pas de bruit. Et c'est encore pire au boulot, où je navigue entre deux eaux. Je suis en plongée périscopique. Je nous vois, je zigzague et j'évite tout ce qui pourrait me faire remarquer. Et par avance, refouler. Mais j'ai quand même mon truc à moi, ma révolte homéopathique. Car n'allez pas le crier sur les toits, mais la société, moi je la nique. Et pour bien signifier au monde que je n'entre pas dans la ronde et que je ne lâcherai jamais prise, je ne repasse pas mes chemises. Ah, quand je me déguise en employé, je mets un point d'honneur à être froissé, bien calé derrière mon bureau. Je porte ma révolution sur le dos. Et si la porte est politique, ma révolte homéopathique échappe sans doute à certains. Au moins je gagne du temps le matin. Moi je ne suis pas très révolté, mais le jour où ça va péter, on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir participé à l'humble niveau pathétique de ma révolte homéopathique. À la prochaine révolution, je sors ma chemise, mon pantalon.